Écoutez, comment nous avons préparé ce matin, d'une manière la plus sérieuse qui soit, bien sûr, puisque c'est la rentrée, la deuxième rentrée, cette émission. Salut les amis. Salut Charline. Vous êtes prêts, c'est la rentrée. Ah bah, attends, ça a l'air de vous étonner. Mais Charline, on est déjà rentrée la semaine dernière. Mais comment ça? Oui, bah oui. Guillaume a raison, ça fait une semaine qu'on est rentrée. Non, c'était pas la rentrée, ça. Pourquoi on est rentrée alors? Pour faire plaisir aux gens, voilà. Pardon? Et pour qu'ils aient l'impression que d'autres gens sont rentrés avant eux. Mais voilà. C'est la vraie raison, ça? C'est pas ça. Alors, c'est quoi la raison? En fait, Médiamétrie commence à mesurer les audiences à partir d'aujourd'hui. Voilà, alors tout ce qu'on a fait la semaine dernière, ça compte pas, quoi. Mais non, ça sera comptabilisé pour l'émission de cet été. On a travaillé pour rien. Mais une rampe de lancement. On commence une semaine plus tôt pour être dans le rythme. Si tu commençais à 100 mètres, mais 10 mètres avant pour être déjà dans la vitesse de la course. Plus à 100 mètres, c'est à 110 mètres. Oui, tu cours 110 mètres, mais ton temps sur 100 mètres sera meilleur que si t'avais couru. Tu seras plus fatigué à l'arrivée. Ça dépend comment tu démarres. Ça suffit. Les audiences seront bonnes si l'émission est bonne. Donc allez hop, au travail. Et je ne veux plus entendre parler de la rentrée. Mais on parlait d'athlétisme. On cherche un sujet. Vas-y. La rentrée. Voilà mon thème. Il y a des choses à dire là-dessus. Vous voyez, c'est comme au 100 mètres. Vous avez fait un faux départ. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui retapisse l'actualité et voici les trois informations qui vont finir en motif à fleurs jusqu'à 18h. Bilan d'un week-end de rassemblement socialiste, on a redébattu des 35 heures. En France, on écoute encore les disques rayés, le programme n'a toujours pas changé. Moi aussi j'ai un programme. Ça va être mon poil dans ta gueule, ton cul par terre et moi content. Les cours de morale et de civisme débutent demain, leçon numéro 1. Un bon cœur vaut mieux qu'un beau visage. Et c'est pour ça qu'on fait de la radio, ma petite. Lassé des fast-foods, le marketing a inventé le slow food. Puis lassé du fast-shopping, le marketing a inventé le slow shopping. Si tu avances et tu recules, comment veux-tu qu'on s'y retrouve? C'est 8 secondes pour vous dire que la barre ovomazine, c'est de la dynamique. Et je suis accompagnée du livreur le plus rapide de vannes au kilo, Alex Vizorek. De la fast van. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et autour de la table, une toute belle équipe. Avec un retour à 17h20, 2 mois d'été lui auront suffi, je pense, pour préparer tous les jingles de cette saison. Et c'est ça que les auditeurs attendent. Bonjour Thomas VDB. Bonjour Alex Vizorek. De quoi on va parler dans l'actualisique, la rubrique la plus attendue? Eh bien, on va parler du festival Rock en scène, qui pour beaucoup de gens a eu lieu ce week-end en commençant vendredi soir, mais vous allez voir que pour d'autres, il a commencé vendredi midi. On s'attend à 17h30. Lui, il s'est rendu au salon de l'hypnose. Et quand je le vois, je ne suis pas convaincu que le mage laiton moustachu l'ait reconnecté à la vie. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Effectivement, alors c'est le grand congrès international de l'hypnose. Excusez-moi. Souffle par le ventre. Souffle par les pieds. Voilà, j'ai soufflé par le ventre et par les pieds, bien évidemment. Bien évidemment. Et à 17h40, c'est notre intellectuelle, elle a Bac plus 19 à elle seule. Et elle accepte de venir nous parler, nous qui cumulés n'avons pas Bac plus 15. Et pour cette main tendue, merci Isabelle Sorrente, vous nous parlez de littérature. On va essayer Alex. Très bien, oui, pas après pas. Mais vous allez nous parler du livre de notre invité. Oui. Ah, qui c'est, Charline Vanhoenacker? Eh bien, notre invité, attendez, vous allez le savoir, parce que c'est notre référent de la République. Vous êtes née sous le Charles de Gaulle. Vous devenez productrice... C'est surprenant, mais c'est bien. C'était bon, Charles de Gaulle. Vous devenez productrice de télévision à 80... On sait accueillir les invités. À 85 ans. Mais on sait accueillir les invités. Attendez. Vous êtes décédée. Bon, je peux y aller, oui. Vous devenez productrice de télévision en 86, quand le rideau tombe sur l'émission Au Théâtre ce soir. C'était l'époque où il y avait encore un peu de culture sur TF1. Vous publiez votre premier roman, L'un pour l'autre, en 99. C'est l'année du Pax. C'est l'année aussi où la France découvre l'existence de Christine Boutin et de Roselyne Bachelot. Et on n'en est toujours pas débarrassé. Vous créez votre propre maison de production, Berel Films, en 2010. C'est l'année où Avatar détrône Titanic en dépassant les 2,4 milliards de dollars de recettes, alors que vous êtes coproductrice des ch'tis d'ailleurs. Et donc vous êtes, je vous laisse nous le dire de votre douce voix, vous êtes... Je suis Nathalie Reims. Bienvenue. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Alors, ça n'est pas, on ne peut pas dire que ce soit inélégant de dire que vous êtes née sous Charles de Gaulle, parce que quand on lit votre roman, Nathalie Reims, il y a toute une époque qui est dépeinte. Non, mais j'assume, hein. J'assume mes 56 ans. 57 en avril, ben oui. Alors, Place Colette, c'est votre nouveau roman, Nathalie Reims, paru chez Léo Scher. Alors, une adolescente de 12 ans, la narratrice... inspiré de votre vie. Un double littéraire, on va dire. Attention, on va y venir. Hein? Adolescente de 12 ans qui tombe amoureuse d'un comédien de 30 ans plus âgé. Mmh. Et elle le séduit. Ça se passe dans ce sens-là. Mmh. C'est ça qui est, voilà. Très important. Et vous avez failli appeler le roman Détournement de majeur. Non, c'est Michel Lafon quand j'ai sorti Le Père Lachaise, Jardin des Ombres l'année dernière. Qui a vu cette quand idée. Il a lu le manuscrit du Michel Lafon. Il m'a dit, tu devrais l'appeler Détournement de majeur. Michel Lafon, c'est aussi celui qui fait les titres dans Libé ou pas, non? Donc, mais j'ai préféré Place Colette en hommage à Colette, hein, et à ses Claudine et à la Place Colette qui abrite la Comédie Française, puisque l'acteur dont vous parlez est sociétaire à la Comédie Française, à l'époque. À l'époque. Il est décédé. Il est décédé, absolument. Parce que vous dites, je peux écrire que quand les gens sont morts, disons. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris la plupart du temps sur des gens qui ont énormément compté pour moi, qui généralement sont plus là, parce que l'écriture fonctionne souvent comme un embaumement. C'est une façon pour moi de garder les gens que j'ai aimés et qui sont encore présents à travers l'écriture. Mais je peux aussi écrire sur des gens qui m'insupportent, parce que je sais pas me servir, par exemple, d'un revolver. Donc si on me blesse, je tire. C'est dans « Laisser les cendres s'envoler », le livre que j'ai écrit sur la disparition de ma mère et sur notre relation un peu compliquée. J'ai parlé de l'homme avec lequel elle était partie. Il est toujours là, enfin je crois. Enfin, sinon, je le saurais, je crois. Ça ne vous a pas rabibouché. Non, pas tellement, non, pas vraiment. On le salue, voilà, si vous donc, écoute. Non, mais j'ai toutes sortes de balles dans mon revolver. Oh là là, attention. Alors, vous levez le deuxième tabou, parce que vous aviez un premier tabou qui était le parler de votre mère, c'est fait, dans le livre que vous avez cité. Ensuite, le sexe, c'est fait avec Place Colette. Oui. Alors, vous donnez un nom au genre que vous pratiquez ici, vous dites le roman vrai. Alors, on est habitué aux oxymores en ce moment. Mmh. Enfin, si vous arrivez à nous faire croire qu'il existe un roman vrai, je suis prête à croire qu'il existe une TVA sociale. Mais je vais vous l'expliquer, Charline. Le roman vrai, c'est tout simplement qu'à partir du moment où on est tous autour de cette table et on va sortir du studio et chacun va écrire ce qui s'est passé ici. Ce sera vrai, mais ce sera en même temps des versions complètement différentes de ce qu'on a ressenti les uns des autres. Et à partir du moment où vous prenez la plume et que vous racontez quelque chose que vous avez vécu, ça devient un roman. Parce que forcément, il y a de soi, mais il y a aussi du subjectif. Donc c'est du roman. Et en plus, quand ça fait appel au passé, à la mémoire, vous avez l'impression d'ouvrir un carton à chapeau, de soulever le papier de soie. Et on est sûr que les choses se sont passées comme ça, mais on sait en même temps que la mémoire joue des tours et qu'on fait toutes sortes de collages. Quelquefois, on met des choses qui ne sont pas tout à fait à la bonne période. Et ça devient forcément un roman par le style. C'est ce qui fait la différence entre une autobiographie qui est très comme ça, très très factuelle, et un roman sans doute par, si c'est réussi je pense, par la musique de l'écrivain, par le souffle de l'écriture et par l'émotion qu'on peut transmettre au lecteur qui lui donne un côté universel, parce que rien n'est plus personnel qu'une histoire et rien ne devient plus universel qu'un roman. Mais vous brouillez pas trop les pistes, parce que si on cherche un peu, on peut trouver les clés du roman. Nous, on a cherché qui était le comédien. Oui, alors, je vais vous dire. On peut le trouver. J'ai agi comme le petit Poucet. Oui. C'est-à-dire, j'étais mon propre petit Poucet. C'est-à-dire que pour 99% des personnages de ce roman, la narratrice n'a pas de nom, mais elle dit « Mes parents m'ont donné ce prénom idiot d'une chanson de Gilbert Bécaud ». Donc, bon, on comprend ça bien pourrait. Que c'est Nathalie, ça pourrait. Le frère, la sœur n'ont pas de nom non plus, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Après, les invités, au début, quand le roman s'ouvre en Corse, il y a Paul Morand, il y a tous ces académiciens, tous les vrais noms sont là. Ou Dalida qui arrive au bras de cet acteur un soir. Cet acteur, je l'appelle Pierre. Mais en même temps, sans doute parce que j'avais besoin de véritablement dire cette histoire, je l'appelle Pierre. Alors qu'on sait que c'est Charles Pasqua, en fait, hein, pour rappeler aux voilà, aux j'aurais auditeurs. Pu l'appeler Charles Pasqua, mais j'avais peur tout d'un coup d'effrayer le lecteur, vous comprenez? Et qu'on se dise, cette fille de 12 ans qui tombe amoureuse de Charles Pasqua. Ah ouais, ça, c'est du roman vrai. Il faut vraiment la foutre à l'hôpital psychiatrique. Non, il est beau. Il est sublime. Ouais. Elle tombe amoureuse d'un homme sublime. Mais je me suis rendu compte très vite que je n'arrivais pas à écrire son nom. Donc, je l'ai appelé Pierre, mais j'ai donné suffisamment d'éléments dans le roman pour que si on a envie de savoir qui c'est, on peut y arriver. Nous n'avons pas eu envie. C'est une sorte de cluedo aussi, donc. Enquête. Place bon, vous Colette. Vous êtes trop jeune, de toute façon. Oui, c'est vrai que je ne le connaissais pas. C'est vrai. Oui. Mais vous avez donc trouvé. Ah oui, on a trouvé. On ne dira pas son nom, mais on a trouvé. Mais, si vous lisez pas. Place Colette, quel âge vous avez? 33. Est-ce normal que je ne le connaisse pas? C'est mon inculture ou c'est ce que... Oui, bien sûr. Bon, écoutez, on va vous laisser. Je pense qu'on va laisser Nathalie Reims avec Alex Vizorek. Je sens que ça match. Le sondage autour de la table pendant la vous n'allez pas pendant le disque de savoir qui le connaissait. Vous de Nathalie Reims quand même. Ça, je ne vous dis pas. Allez, vous êtes dans Si tu écoutes, j'anime tout. Nathalie Reims est avec nous. Elle publie Place Colette, son dernier roman chez Léo Scher. On en parle tout à l'heure avec Isabelle Sorande sur cette antenne. Là, il y a de la musique avant l'actuelle musique de Thomas VDB. Merci Djoubaka, notre programmateur musical. Vous êtes sur France Inter. Et autour de cette table, Isabelle Sorand qui nous parlera du livre de notre invitée, Nathalie Reims, avec qui nous avons débattu de l'élégance de Charles Pasqua jeune pendant le disque. Enfin, oui. Et Guillaume Meurice qui avait lancé cette folle rumeur. Et Thomas VDB, attention, l'actualité arrive. Et il est temps de prendre quelques nouvelles du monde, Nathalie Reims, ouais. Attention. C'est le journal de presque 17h17 puisqu'il est 17h21. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres de cette édition. Les enseignants font leur rentrée aujourd'hui. À cette occasion, François Hollande a réussi à tenir l'une de ses promesses. Il déclare « La rentrée, c'est maintenant ». Charles Aznavour était en Belgique hier. L'évasion musicale tourne à plein régime. Et enfin, des brèves qui ne servent à rien. C'est le dossier de la blague pour l'art par Alex Vizorek. Aujourd'hui, jour de pré-rentrée pour les profs, les élèves ne réintègrent les classes que demain. Un jour de liesse pour le corps enseignant, puisque c'est le seul jour de l'année où ils peuvent travailler sans se faire chahuter. Et passons à la fameuse rentrée du PS, c'était hier, les universités d'été à La Rochelle. Oui, avec tout de suite un extrait du discours de Manuel Valls. Beaucoup d'hommes souffrent d'un petit problème. La transpiration précoce. Nouveau Axe Drive Full Control. Garde le contrôle. Je sens que vous n'aviez pas écouté ce son, Charlie, mais je suis ravi qu'il vous fasse bien rire, en effet. C'était l'image que tout le monde a retenue de La Rochelle, celle de Manuel Valls qui achève son discours trempé de sueur. Nicolas Sarkozy déclare d'ailleurs ce matin « Pas d'inquiétude, il se fera essorer en 2017 ». Restons chez les socialistes. Si Claude Bartolone venait à remporter la région Île-de-France, Jean-Marc Ayrault a fait savoir qu'il était candidat au perchoir. Alors voyons ce que cela donne grâce à une innovation dans ce journal de presque 17h17, une projection en 3D de Jean-Marc Ayrault au perchoir. Silence. Je vous demande le silence. S'il vous plaît, si vous continuez, je vais lever la... j'attends que vous vous taisiez. La France promet d'avancer encore plus vite. C'est la méthode Jean-Marc Ayrault. Cela dit, le gouvernement bosse ce matin sur France Info. Michel Sapin a confirmé une baisse d'impôts pour les plus faibles salaires. Ça tombe bien, il n'en payait déjà pas. Bon, on a rien à droite. Si, mais je pense que ça vaut pas la peine. Allez. Si, allez-y. J'ai ce titre dans Le Monde de samedi. Regardez. Montrez. Ouais. Jean-François Copé se rêve président d'une France décomplexée. Non mais ça valait pas la peine. Alors un petit peu de culture. Oui, alors. Charles Aznavour était en tournée en Belgique ce week-end et il a répondu à une interview exclusive de la RTBF. Et je pense qu'en France, il n'aurait pas répondu ceci. J'ai débuté à l'âge de 9 ans, ça fait 83 ans. 83, mais vous dites-moi 80. Nous les Suisses, on le dit. Nous les Suisses, on le dit, c'est 8 ans. On le pardonne parce qu'il a 91 ans. Et ça, on le dit nous et ils le disent aussi. Chanson toujours en Grèce. La chanteuse populaire Alkistis Protopsalti, je voulais pas faire d'erreur, a été nommée ministre du tourisme. Elle continuera toutefois à assurer ses tours de chant. Occuper un ministère et s'adonner aux loisirs n'est pas incompatible. En France, Claude Guéant a su concilier son action au ministère de l'Intérieur et son activité de courtier en peinture flamande. Sport à présent. Oui, Teddy Riner a remporté ce week-end son 8e titre mondial de judo. Ah, comme quoi on peut représenter le Valois-Perret et gagner de l'or honnêtement. Et on termine par deux brèves. Ah, j'aime bien ça. Une internationale à Taïwan. Oui, on pourra bientôt trouver des tickets de métro à l'effigie d'une star du X. Pour une fois, ce sera la star du X sur le ticket de métro et pas l'inverse. Vous la voyez arriver, Maurice, mais j'avais envie de la faire quand même. Et en France, un slogan fait débat du côté de Nice. Effectivement, c'est une salle de sport niçoise qui a proposé une belle offre en ces termes. Je vous lis le slogan. Vous êtes grosse et moche, payez 19,90€ et vous ne serez plus que moche. Voilà, au moins, c'est pas mensonger. Et dans pile une semaine, à presque 20h17, vous pourrez aller voir Alex Vizorek en Pestacle. C'est vrai. Alex Vizorek est une œuvre d'art. Ce sera au studio des Champs-Élysées. Ce sera votre première lundi prochain. Alors, je me prépare. Allez, on vous accompagne jusqu'à 18h avec Nathalie Reims, qui est à nos côtés, qui publie Place Colette, édition Léo Cher. On va en parler tout à l'heure avec Isabelle Sorante. Isabelle, vous êtes là, vous êtes au taquet pour le premier sujet avec nous. Oui. Thomas VDB aussi. Calmez-vous, Isabelle, calmez-vous. Vous êtes un petit peu surexcité. Nous sommes en 2015 et à l'université d'été du PS, il a encore été question des 35 heures. La gauche, je dois le dire, n'est pas exempte de critiques particulières. Elle a pu croire à un moment que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. Les débats sur le passé ne m'intéressent pas et n'intéressent pas les Français. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout. Manu, Emmanuel, featuring Clo-Clo. Les 35 heures qui tournent en boucle. Est-ce que vous avez suivi un petit peu le week-end? Est-ce que vous suivez un peu l'actualité le week-end? Vous vous débranchez complètement, Nathalie Reims? Non. Je la suis navrée, mais je la suis. C'est un petit peu. J'attends toujours une lueur d'espoir, quelque chose qui me redonne foi en comme la tous. Politique, mais malheureusement, rien ne vient. De toute façon, je vais vous dire, vous n'avez rien raté. Si vous avez... J'ai vaguement vu oui, Macron. Vous n'avez rien raté, parce que les 35 heures... Qu'est-ce que Macron fait à gauche? Alors ça c'est une question que je me pose. Ah non, il n'est pas à gauche. Hein. Ah bon? Non. Même lui... Attendez, j'avais une question pour vous à ce sujet, parce que vous avez un point commun, finalement, avec Emmanuel Macron. Ah non, ne me faites pas ça. C'est dégueulasse. Mais non. Mais c'est du second degré, bien sûr. Ah bon, oui. Mais non, alors, du 12e degré. Il y a un lien familial chez vous avec les Rothschild. Oui, voilà. Alors, vous qui êtes issu d'un monde de banquiers. Fiscal, mais est-ce qu'on peut être banquier et épouser les valeurs de partage, d'après vous? Je ne sais pas. Voilà, vous avez versé notre invité maintenant. Non, c'est pas ça. D'abord, je suppose. Hein, vous savez, c'est ma famille maternelle, que j'adore d'ailleurs. Bon, mais je ne m'intéresse pas du tout à ce qui se passe à la banque. Rendez l'argent maintenant, Nathalie, rendez l'argent. Je n'ai jamais rencontré Emmanuel Macron. Cela dit, je le trouve très, très intelligent. Mais j'aurais envie de lui dire, mais va à droite. Faites la primaire, voilà. Les Républicains, exactement. Je ne sais pas. Moi, je me réintéresserai à la politique quand on aura inversé la courbe du chômage, hein, ce n'est pas demain la veille, et qu'on construira des logements sociaux. Je ne comprends pas cette histoire de logement social, je vous assure. Je ne comprends pas comment on en est encore aujourd'hui à avoir des gens qui dorment dans des tentes. Ils foutent un fric fou dans des conneries, dans n'importe quoi, et les gens dorment dans la rue. Et c'est la gauche. Mais moi, je comprends que les gens soient furieux, qu'ils soient déçus, qu'ils soient malheureux. Et puis, bon, moi, j'ai plus envie de voter, j'ai plus envie de m'intéresser à la politique. Ah, vous votez plus alors ? Ah là, je vais pas. Là, pour le moment. Mais alors, même s'il y a un danger qui se profile, vous allez prendre votre bulletin de vote. Voter, mais je voterai pas pour François Hollande, ça, je vous dis. Alors, le disque est un peu rayé, il tourne en boucle. Isabelle Serrante, est-ce que vous avez un petit peu regardé Manuel dans sa chemise trempée, son discours, les 35 heures ? Mais c'est vrai que moi, je crois qu'en fait, les 35 heures, il y a une vraie question et qui est peut-être au-delà des clivages droite-gauche, hein, qui est une question d'accélération du temps, d'accélération des technologies. En fait, les 35 heures, c'était peut-être juste dans un monde d'hier où on était moins perméable. Là, on est connecté jour et nuit à nos mails, à nos textos. Donc, pour nous, ouais, de fait, tout s'est accéléré, tout est perméable. Donc, il faut travailler moins. Donc, non, en fait, on travaille tout le temps parce que les connexions font cette vérité. Donc, c'est très difficile à décompter. Et je pense que, en fait, c'est pour ça qu'on est un petit peu, je crois, au-delà des clivages droite-gauche, de fait, parce que ce qu'il faut penser, c'est le positionnement par rapport à l'accélération technologique. Et ça, c'est nouveau. Et puis dans les faits, l'assouplissement des 35 heures, les nombreux assouplissements font que finalement le Français travaille en moyenne 39,4 heures par semaine. Oui, pour les ouvriers, il n'y a pas encore d'appli sur le smartphone boulonné des jours. Et surtout pour ceux qui travaillent. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui adoreraient travailler 39 heures, même 40. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail. Donc il faut ça, le partager. Voilà, il faut partager. C'est tout en fait. Voilà. Ça y est, on a changé le monde. Et ben voilà, concrètement. Il y en a pris un peu de hauteur. Ça nous a beaucoup surpris. Pas l'habitude. 17h29. Ah, c'est lui. Il travaille 4 minutes aujourd'hui, mais ça envoie du lourd. C'est pas beaucoup. Là, c'est... Envie, ça, quoi. Je suis prêt à y c'est aller. C'est Thomas VDB. Nike, actualisique. Actualisique. C'est l'actualisique. Voilà, j'ai eu de très nombreux mails d'auditeurs déconcertés cette semaine par l'absence d'actualisique sur la grille de rentrée de la semaine dernière. L'actualisique, je le rappelle, c'est un mélange d'actualité et de musique. Et c'est vrai que quand on y a goûté une fois, bah, il faut s'adosser chaque semaine. Me voilà donc aujourd'hui de retour pour vous envoyer votre shoot hebdomadaire d'actualisique. Alors, l'événement de la rentrée, c'était ce week-end. C'était le festival Rock en Seine qui, chaque année, enflamme le Parc Saint-Cloud. Alors, Rock en Seine, comme chacun sait, ça commence le vendredi soir, sauf que là, non. Hein, car il y a des partenaires dans ce festival. Et dans les partenaires, il y a... La SNCF. Vous, par exemple, Nathalie Reims, vous êtes plutôt IDESAP ou IDESEN? Je ne sais pas quoi dire, évidemment. Je ne sais pas. Mais personne ne sait. IDESEN, allez. Mais oui, moi, je suis IDESEN. Alors, voilà, parce que ce week-end, si vous preniez le train de Lyon, eh bien, le festival Rock en Seine, ça commençait avant, dans le train, avec un concert. Mais non. Oui, car désormais, pour les TGV qui se rendent dans une ville dans laquelle vient un festival, la SNCF a inventé un nouveau concept, et ce concept... C'est TGV Live. Wow. Un mélange de TGV et de live, c'est TGV Live. Alors, l'idée de TGV Live, elle est venue à la SNCF après l'initiative de la RATP, hein, qui s'appelait Rap RER, un hein, mélange de rap et de RER. Ils hein, vous ont tout piqué, en fait. Ils ont tout piqué. Je sais qu'ils ont prévu de lancer aussi pour l'année prochaine l'opération Funky Corail, hein, avec des concerts de funk dans un corail. Je crois que l'année suivante, ils ont mis en place le projet Michelin Dax, hein, qui sera un train assez lent, mais avec un vraiment entièrement consacré à Michelin Dax. Et donc, vendredi, pour TGV Live, si vous partiez de Lyon-Part-Dieu à 15h04, il y avait un groupe qui jouait. Hein, par contre, il fallait absolument partir de Lyon. Hein, si vous partiez de Bordeaux, Tours, Brest, Marseille, il n'y avait rien. Mais si vous partiez de Lyon, eh bien, il y avait un groupe qui avait été choisi par la SNCF pour jouer à bord du train. Et ce groupe s'appelle Last Train. Dernier train. Alors, je ne veux pas savoir s'ils ont choisi le nom exprès, parce qu'il y avait le mot train dans le nom. Hein, genre, yes, les gars, ça y est, j'ai trouvé un groupe qui s'appelle Last Train pour TGV Live. Hein, ça tombe, ils ont juste pris un groupe qui existait déjà et leur ont dit, les gars, ça vous dérange juste si pour le concert de dire que vous appelez Last Train? Non, c'est par rapport à TGV Live et tout ça. Alors, n'empêche, ça a dû être décevant pour les gars du groupe Last Train quand les gars les ont appelés en leur disant, allô, bonjour, on voudrait vous faire jouer au festival rock en scène. Les gars, c'est ok, quelle scène? La grande scène ou la scène découverte? Les gars, j'ai dit non, voiture 14. Alors c'est rock en scène, c'est pas rock en scène, c'est rock en scène TGV Live. Ah d'accord. Alors je précise quand même que le groupe jouait pour les gens qui étaient dans le train. Hein, et non pas pour les gens qui étaient sur les quais des gares où le train passait, hein, ça aurait rendu le concert un peu difficile à apprécier. Alors maintenant c'est GV, ça va aujourd'hui, ouais. Voilà, ça aurait été un petit peu compliqué. Voilà, donc bravo la SNCF, parce que TGV Live c'est bien, c'est mieux que IDZN ou IDZAP, là comme on disait, il faudra quand même que quelqu'un dise à la SNCF aujourd'hui que nous les gens, quand on doit aller quelque part en TGV, on s'en fout de savoir si c'est IDZN ou IDZAP, ça n'a pas d'importance, hein, eux ils ont l'air contents, ils font leur petite popote, ils font plaisir entre eux. Bonjour monsieur, bienvenue dans votre espace IDTGV. Moi je m'en fous, tant que je suis à Poitiers à midi, je suis content. Hein. Alors en tout cas, TGV Live, c'est bien. Ce serait d'ailleurs chouette, je pense, que la SNCF eh bien, reproduise l'initiative avec d'autres festivals, genre, je sais pas, par exemple les Outdoor. Hein. Vous allez au festival en train, n'oubliez pas, les Outdoor, ça commence vendredi midi au Wagon Bar. Alors, on ira. Alors la SNCF, en tout cas, eh bien, se positionne bien aujourd'hui pour lancer des carrières artistiques. Hein, quand je pense à la carrière des pianistes qu'on a l'occasion de découvrir dans les gares, avec c'est les vrai. Pianos dans les gares, c'est génial. Quand je pense peut-être au groupe Last Train, hein, ou bien Jean-Hugues Anglade tout simplement. Alors j'en profite en tout cas d'ailleurs pour rappeler aujourd'hui que le guitariste de Pink Floyd David Gilmour, ça c'est vrai, est tombé l'année dernière complètement amoureux du jingle de la SNCF dans une gare, hein, je me souviens, et qu'il en a carrément fait un morceau. Une fois n'est pas coutume, je vais donc terminer ma chronique par un générique de fin qui est un mélange d'actualité, de musique et de David Gilmour. Actualisic, oh, hey, hey. Actualisic, oh, oh, eh, ouais. Le jingle de fin, on n'est pas sauvés. Alors, il y a des potes autour de cette table sur la radio filmée, mais je vous encourage quand même à aller revoir Thomas VDB. Donc, c'est à la danse de l'actualité. Vous n'avez rien perdu si vous ne l'avez pas vu, mais vous avez tout à gagner. Exactement. Allez voir, car il bouge bien. Ouais, parce qu'il transpire comme Manuel Valls. C'est un petit peu, il se donne. C'est vrai. Nous sommes toujours en compagnie de Nathalie Reims. Elle n'a pas encore eu peur, n'est pas encore effrayée de notre présence. Place Colette, son roman chez Léo Cher. On en parle dans quelques instants avec Isabelle Sorante. Quoi. What have you done to me? Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ya. The music plays with me. I never meant to walk your way. And then one day love walked my way. And now I'm all la-la-la-la-la. Pa-ra-pa-pa-pa. Qua-qua-qua-qua-qua. Qua-qua-qua-qua-qua. Qua-qua-qua-qua-qua-qua-qua. What is the meaning of pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ya? The rhythmic feeling of I never thought I'd get the call or that I'd ever dance at all. But now I'm all la la la la la pa pa pa pa qua qua qua qua qua. Oh, je ne sais quoi. The truth in life is what will always be. So don't go forcing love, just wait and then you'll see. Qua qua qua qua qua qua qua qua. A whim, a woe, away now. Pa pa pa pa pa pa pa. A whim, a woe, stay now. I never thought I'd ever see another singing just like me. La la la la la, pa pa pa pa. Qua qua qua qua qua. Je ne sais quoi. Truth in life is what will always be. So don't go forcing love, just wait and then you'll see. Étonnamment, cela s'appelle quoi. Sarah McKenzie. Ils n'ont pas tout mis sur le titre. Et quoi, autour de cette table, nous sommes avec Nathalie Reims. Thomas VDB a fait une excellente actualisique. Et Isabelle Sorrente va commenter le livre de notre invité. Vous avez entendu, Charline, dans la musique, il y avait de la trompette. Ouais. Et ce qui me fait une transition, puisque c'est le tour de notre trompette. C'est la chronique de Guillaume Meurice. C'est moche ce que vous faites. Eh bien, moi, je me suis rendu ce week-end au grand congrès international de l'hypnose. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Tiens, il va encore se moquer. Non. Pas du tout. Déjà, c'est pas mon genre. Et puis, c'était tout à fait sérieux. Car, non, c'est vrai. Non, mais de toute façon, vous êtes tombé dans les pommes, vous n'avez rien vu. Donc... En plus, bah oui, vous allez voir, vous allez voir. Non, c'est très sérieux. Car c'est basé sur les applications concrètes de l'hypnose dans la médecine, d'accord? Donc, il y avait plein de gens qui parlent d'une voix calme, un petit peu comme ça. Bonjour, vous allez bien, voilà, détendez-vous. Voilà, un peu mi-film porno des années 80, mi-discours de Xavier Bertrand, vous voyez. Bah, c'est vrai que c'est important quand même la voix dans l'hypnose, hein. On peut pas hypnotiser les gens avec une voix comme ça! Détendez-vous! Ah, c'est pas possible, hein. Isabelle Mergo n'a aucun avenir dans la profession, par exemple, d'accord? Donc, moi, j'aimerais quand même bien savoir hypnotiser des gens, parce que je me pose une question toute bête. On entend toujours parler d'hypnotiseurs qui font le bien autour d'eux, qui soignent, qui apaisent. Mais existe-t-il des hypnotiseurs malveillants? Tentative de réponse. On n'est pas là pour ça, on est des thérapeutes, pas des soignants, pas des violeurs. Et la réponse, c'est non. On ne peut pas faire un braquage de banque avec l'hypnose? Non. Alors qu'il faudrait peut-être dire aux banquiers de ne pas marquer sur leur porte « tirer », ce qui n'est pas une bonne injonction quand on rentre dans une banque. Ah, vous voyez, je dis c'est très sérieux, mais les hypnotiseurs ne sont pas les derniers à pousser la petite blagounette, hein, comme ça. Alors, tirer, c'est aussi une injonction qu'il y a sur les portes des dentistes. Moi, je vous dis franchement, j'y lis plutôt « tirez-vous en vitesse ». J'ai une horreur des dentistes. À chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression d'être Jean Moulin dans les cellules de la Gestapo. C'est vrai, j'ai même déjà dénoncé des juifs, hein, chez le dentiste, hein. Ça, c'est gênant, surtout que mon dentiste, il s'appelle Rosenblum, hein, c'est vraiment très gênant. Mais ça, c'était avant de rencontrer Claude Parodi. Claude, il est dentiste et il écrit des contes métaphorique à usage thérapeutique, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'au travers d'une histoire, on résout un problème, ou on fait passer un geste technique de quelque chose d'agressif et de brutal à quelque chose de doux et de permissif. En racontant une histoire. En racontant une histoire. Mais les dentistes, ils racontent souvent des histoires, de toute façon. Oui. Parce qu'ils disent souvent, tiens, là, il vous faut une couronne, ça vous coûtera 5000 euros. Alors que des fois, non. Alors, est-ce que tu sais quel est le vrai salaire dans la vie? Oh, ça doit être quelque chose comme le bonheur ou c'est le sourire d'un enfant. Le sourire d'un enfant. Ils sont forts, ces dentistes. Eh oui, c'est beau. Alors essayez la prochaine fois que vous allez chez le dentiste à amener un gamin et payer uniquement avec son sourire. S'il ne pète pas les dents du gosse pour lui soigner juste après, vous aurez du bol. D'ailleurs, à propos d'enfants, Claude, il m'a bien expliqué que sa méthode était efficace aussi bien sur les enfants que sur les adultes, même quand il s'agit de dédramatiser l'usage des outils de soins, par exemple des pinces médicales. Pour moi, ça, c'est pas un instrument. C'est simplement un animal magique qui a deux becs et quatre ailes et qui a une vie particulière parce qu'il ne connaît aucun humain. Il n'en a jamais vu. Donc les instruments des dentistes sont en fait des petits animaux magiques. Voilà. Par exemple, l'aspiration chirurgicale, qui est un gros instrument qui fait beaucoup de bruit. Personne ne sait, mais c'est la trompe de Fanfan l'éléphant. Et ben voilà. Ah oui, et c'est vrai. Mais non, mais on ne le savait pas. Vous le saviez? Non. Eh ben, non on le savait non, pas. Mais on savait pas. En fait, c'est eux qui sont hypnotisés. C'est pas les hypnotiseurs. Non, mais je vous le dis, c'est très sérieux. C'est de la médecine. On apprend des choses au congrès du LSD, de l'hypnose, de l'hypnose. Et pas seulement au niveau de Fanfan l'éléphant, mais également au niveau des dragons. Et oui, considéré comme très très méchant par Martin Wall. C'est un hypnothérapeute anglais, interview donc en anglais avec traduction simultanée. Il y a des dragons, donc des risques, des dangers, mais disent également qu'il y a des bonnes choses et des anges. Voilà. Je veux dire, est-ce que c'est pas un peu discriminant pour les dragons? I know what you mean. Je comprends ce que vous voulez dire. On doit aimer les dragons et vivre avec eux. Bien sûr, bah oui, les dragons sont nos fucking friends, Martin. Alors, faut vous imaginer sur la table d'opération avec un chirurgien qui vous dit « Bon, on va pas vous anesthésier, mais saviez-vous que les dragons étaient nos amis ?» Voilà. Voilà, merci monsieur, moi je vais vous laisser. J'ai rendez-vous avec Denver, le dernier dinosaure. Salut. Alors après, c'est peut-être moi qui suis juste un peu peureux. C'est vrai que rien que le fait d'être hypnotisé, moi ça me fait flipper. Et c'est pour ça que j'avais emmené avec moi Théo, notre ami stagiaire pour servir de cobaye. Hein. Un stagiaire, ça sert à ça également. Alors, c'est une autre hypnothérapeute, Anna Lucas, qui s'est occupée de son cas. Il faut que tu saches que quand on dit dormir en hypnose, ce n'est pas que la personne s'endort et vraiment qu'elle rentre dans un véritable sommeil, mais qu'elle lâche, dort. Ah, alors on va s'arrêter là-dessus parce qu'elle a un peu oublié qu'elle était enregistrée, notre amie Anna. Est-ce qu'on peut remettre sa dernière phrase en poussant un petit peu le volume ? Semblant pour le public, et ben voilà, tout simplement. Mais oui. Et alors, c'est à toi qu'elle a fait. Mais oui, non, à Théo, donc le stagiaire. Hein. Alors, le pauvre Théo a fait le maximum pour lui faire plaisir, mais bon, il a pas le talent de Christine Boutin pour faire semblant de s'évanouir, donc ça n'a pas marché du tout. Pourtant, pour être hypnotisé, il y a des procédés beaucoup plus simples. Explication. Eh bien, quand vous écoutez les discours de Jean-François Copé, vous sentez qu'il y a quelque chose qui commence à devenir soporifique, vous déconnectez, vous avez peut-être envie de partir ailleurs, vous commencez par. Ah oui, ça, je vous confirme. Dans une transe. Dans une transe, un discours de Jean-François Copé ? Par exemple, c'est une sorte d'hypnose. Mais voilà, c'est vrai qu'on s'en doutait un petit peu, mais on espère que les juges de l'affaire Big Malion ne se laisseront pas endormir aussi facilement. Merci Guillaume Meurice, vous venez de lever un lièvre, comment dire. Ça, c'est quand même dingue. Ils font semblant. Ah, bah, petite astuce. Voilà. Est-ce que Besmer veut venir un jour à l'émission ? Voilà, peut-être. Allez, avec Nathalie Reims, on pousse l'actualité dans l'escalier et on va aborder le deuxième sujet de cette émission. Il n'y a pas que les élèves qui rentrent en classe demain. Il y a aussi les cours de morale. Qu'est-ce qui se passe là encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il prend mes crayons et lui, il prend ma gomme. Et bien alors ? Hein ? Pas de ton crayon et puis toi, pas de ta gomme ? Mais c'est mes crayons, mais c'est ma gomme. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité-là ? Hein ? Il va pas te la manger, ta gomme, alors t'as qu'à lui prêter, puis toi, c'est pareil pour les crayons. Alors prêtez-vous vos affaires, essayez d'être un petit peu moins égoïste entre vous. Hein ? Tu sais ce que c'est un égoïste ? Qui sait ce que c'est qu'un égoïste ? Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un qui pense pas à moi. Un extrait du maître d'école. Alors, des cours de morale et de civisme, ça y est, ça commence à la rentrée, même si les manuels scolaires ad hoc seront publiés l'année prochaine. Non, mais c'est vrai. En toute logique. Cours de morale et de civisme, ça fait un énorme débat depuis assez longtemps, mais ça y est, c'est parti. Vous pensez que ça s'impose, Nathalie Reims ? Il y a même des codes de bonne conduite de la SNCF, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Thomas VDB. Dites bonjour à votre voisin. Comme vous l'avez très gentiment rappelé, je suis née sous le paléolithique. Mais non. Donc, non, j'ai eu des cours de morale à l'école communale de la rue Robert-Étienne. Je ne suis pas sûre que ça ait bien marché sur moi. Bah non, si on lit place scolaire. Bah, j'allais dire le livre. Franchement. Non, en plus, vous avez les pieds sur la table et tout, là, vous savez pas retenir. Franchement, c'est n'importe exactement. Quoi. Non, mais écoutez, je ne sais pas, c'est des trucs génériques. Enfin, c'est aux parents aussi d'élever leurs enfants. Tout est toujours sur l'école. Je ne sais pas, j'ai pas d'idée. Vous avez des souvenirs de ces cours de morale ? Ah, très, très bien. D'abord, j'ai souvenir qu'on avait des blouses grises, ce que je trouvais là, par contre, très bien. Parce qu'il n'y avait pas de différence. Ça, moi, je suis pour le port de la blouse. Je trouve ça formidable. Il n'y a pas d'histoire de marque, de classe sociale, etc. Non, mais en fait, je pense qu'à l'époque... À l'époque, c'est horrible. Mais, on n'a rien dit ce coup-ci. Hein, non, mais non, je sais bien. Non, mais on est sur les côtés, là. Non, mais c'était impensable. Quelquefois, quand je vois, je sais pas, des reportages ou tout ce que subissent les profs aujourd'hui, c'était impensable. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'était impensable de manquer de respect, soit à un maître, soit à un prof. De toute façon, on était collés, puis on avait la trouille de nos parents. Je crois qu'en fait, les gosses n'ont plus la trouille de leurs parents. Je crois que c'est ça le problème. Mais 68 qui est un peu passé par là. Ben oui, certainement. Mais moi, le laxisme. Non, bienvenue sur Radio Réal. C'est une chronique de la maîtresse. C'est votre faute, quand même. Vous voyez comme vous... Moi, je n'ai pas lancé des cailloux à l'époque, c'est vous. Radio Réal, c'est tellement con de dire ça. Pardon. Oui, c'est Alex Vézorak qui a dit ça. Nathalie, on va partir à deux. On va débattre ensemble parce que les autres sont pénibles. Mais non, mais je trouve que à partir du moment où on élève ses enfants, il n'y a aucune raison d'insulter les profs. Voilà, mais c'est parce qu'il y a des gens peut-être qui travaillent toute la journée, qui rentrent le soir, qui sont crevés, qui ont moins le temps que d'autres d'éduquer leurs enfants. Qui ont peut-être, d'autres ont peut-être trois nounous qui sont chargés d'éduquer leurs enfants. Donc l'école est censée pallier à cette différence. Voilà ce que devrait être l'objectif de l'école républicaine. Non, c'est pas vrai, parce que je peux vous dire que je connais des gens qui bossent tous les deux et comme vraiment des tordus, qui ont des enfants qui sont vachement bien élevé, c'est pas la question. Il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas au niveau de l'éducation nationale. Il y a un truc qui va pas. Et je suis pas sûre que c'est en donnant des cours de morale qu'on va régler le problème. Mais c'est en faisant quoi alors ? des coups de fouet, mon ami. Voilà, c'est mais ça. Non, non, non. Si, c'est ça que je voulais vous entendre dire. Nathalie. Ben, je pense déjà en payant mieux les profs. En les valorisant, les motivant plus. Et c'est exactement comme le personnel hospitalier, c'est tout. Voilà, c'est en motivant les gens, en les payant à leur juste valeur et pas en les traitant comme le gouvernement les gouvernements les traitent. Voilà, c'est tout. Nathalie Reims est avec nous. Elle publie Place Colette. Et c'est le roman que vous avez lu, Isabelle Sorrente. Coup de bol. Oui, tout s'est bien passé. Oui, parce que je vous ai vu avec une BD de Boulébile, vous avez dit, non, c'est pas ça du tout, hein. C'est Nathalie Heureusement Reims. Que j'ai été rattrapée au vol. Bon. Alors, je vais donc commencer cette chronique. Si Guillaume arrête de vous faire rire. On est de la barre, là. Non, ce qui m'a fasciné dans votre roman, Nathalie Reims, c'est qu'il peut se lire, et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu, comme un roman alchimique. Parce qu'il possède plusieurs degrés et qu'il mélange les couleurs. Donc au premier degré, Place Colette, ça raconte une éducation sentimentale, on en a entendu parler, donc l'histoire d'une adolescente de 12 ans qui séduit avec préméditation, avec intelligence et avec calcul un comédien qui a 30 ans de plus qu'elle. Mais au-delà de cette passion, on va dire adultophile, d'une enfant pour un homme d'âge mûr, je crois que ce que vous décrivez surtout, c'est la première épreuve initiatique d'une vie de créatrice. Alors, cette enfant, elle est intelligente, elle a même une intelligence, à mon avis, au-dessus de la moyenne, mais surtout, elle a connu la maladie. Donc, au début du livre, elle évolue dans le monde de l'hôpital, c'est-à-dire un monde blanc. Blanc aussi, comme le plâtre, il faut imaginer, qui recouvre son corps comme un corset. Blanc, je dirais aussi, comme ses mensonges. Les Anglais disent « white lies », les mensonges qu'elle fait à ses parents, pour paraître gentille, ne pas avoir de problème, alors qu'en fait, rien, mais alors absolument rien, ne lui échappe des faux-semblants des adultes, de leur liaison, des couleuvres qu'avale sa mère. Alors, elle fait parfois penser, votre héroïne, à la Maisie de Henry James dans « Ce que savait Maisie », parce qu'elle voit absolument tout, elle se tait, elle a l'air très lisse, très sympa, et en fait, rien n'échappe à son jugement. Et ce qu'il y a, il y a une très belle scène au début du livre, c'est qu'elle a ses règles alors qu'elle est entièrement corsetée dans le plâtre, elle est couchée, on pourrait jamais penser que ça arrive, elle a 12 ans, elle est malade, et les règles viennent, et c'est une scène assez cruelle et drôle où il faut casser tout ce corset de plâtre pour... C'est ça quand les Anglais débarquent. Voilà, exactement, les gens savent pas quoi faire. Mais bon, on va dire que la couleur rouge, la couleur de la passion, va arriver en fait en été, l'été des 12 ans, dans la maison familiale de Corse, en vacances, avec ce bel acteur dont nous ne révélerons pas l'identité. Donc moi, j'avais aussi cherché, je n'ai pas trouvé, je suis moins maligne qu'Alex. Donc, en fait, il arrive comme ça au bras de Dalida, elle ne voit même pas Dalida, elle ne voit que lui. Donc la narratrice aime son parfum, elle aime sa voix, elle aime son corps, elle aime tout, c'est un coup de foudre. Et elle se dit qu'elle le veut et elle l'aura. Ce n'est pas dévoiler le suspense que de dire ça. Mais il y a quelque chose qui est très important, je crois, c'est qu'il ne faut pas imaginer que l'héroïne est une petite marquise de Merteuil en herbe, très froide et très débrouillarde. Au contraire, elle n'est pas sûre d'elle, elle est pas sûre de son corps, elle n'est pas sûre de son esprit. Et là, c'est la troisième, vous avez remarqué qu'avec habileté, on a parlé du blanc, du rouge, et que maintenant, on va parler du noir. La troisième couleur alchimique, ça prima materia, ça tourbe la boue dont elle doit s'extraire. Le noir, c'est à mon avis cette espèce de malveillance, de haine rampante, je dirais des femmes, en fait, et du féminin qu'il y a dans cette famille, qu'il y a dans ce milieu où on parle de liberté sans être vraiment libre, où on parle d'amour sans vraiment aimer. Et voilà que cette petite, elle veut aller au réel et elle va l'avoir, le réel, sous forme d'une liaison, sous forme de quelque chose de très physique. Et elle doit échapper à ces injonctions où on dit à la fois du mal de son physique et de son esprit. Alors je dirais que la malveillance sur le physique, c'est plutôt le rôle des femmes. Ça va être sa mère et la maîtresse de son père qui lui disent qu'elle est pas assez ceci, trop cela, enfin ça va jamais, c'est absolument l'horreur. Et puis la malveillance sur l'esprit, comme l'esprit est chasse gardée des grands hommes et qu'il y a beaucoup de grands hommes dans cette maison, c'est les hommes qui s'en chargent. C'est-à-dire qu'au début, elle a quand même une sorte de tumeur à un os de la hanche, hein, c'est ce qui nécessite le corset, etc. Et on va quand même croire que c'est psychosomatique parce qu'il y a une espèce d'ambiance psychanalytique très lacanienne, enfin c'est un peu ce que j'ai fantasmé en lisant. Et que donc, qu'elle le fabrique un peu. Et donc une femme, forcément, Clément n'a pas un vrai malheur. Elle est en train de somatiser tout ça. Donc un peu plus, la pauvre, ça pourrait être très dangereux. Et heureusement que c'est une amie de la famille, une femme, qui se rend compte que c'est tout à fait réel. Et puis son intelligence, alors c'est absolument abominable. C'est-à-dire tantôt on va lui dire qu'elle est pas assez intelligente. Et quand on lui dit qu'elle est intelligente, c'est parce qu'on lui dit « Bon, bah ta sœur, elle a eu la beauté et toi, t'as eu l'intelligence. » Ça, c'est son père qui lui dit ça. Et elle, comme elle est fine mouche, la narratrice, elle dit quand même de son papa, il était évident que l'intelligence était la dernière chose qu'un homme comme lui pouvait apprécier chez une femme. Donc, on comprend que dans ces conditions, la grande passion avec le bel acteur, c'est une question de vie ou de mort et qu'il faut qu'elle sorte de cette matière noire. Mais il va se passer quelque chose d'imprévu. C'est quand l'aimant, elle va, au début, pour coloniser son monde, hein, froidement, dans son plan d'ado, elle s'inscrit à des cours de théâtre pour mieux le comprendre, pour être avec lui encore plus. Mais elle va être excellente sur scène. Voilà, tout simplement parce que sa maturité d'amante, de maîtresse, va faire qu'elle peut tout d'un coup jouer des rôles comme Phèdre, Marianne, etc. Si bien qu'à la fin, la bague de fiançailles, c'est en fait, je ne dis rien, Maria Cazares qui va lui passer, une bague porte-monnaie. Et je crois qu'il faut que j'accélère le rythme, c'est horrible. Donc je garde. On est aux 35 heures, voilà, hein, vous savez. Et donc, en fait, tout le temps du livre, j'ai pensé à ce passage de Birdman d'Inarritu où Andrew Norton, qui joue un acteur génial d'ailleurs, se fait draguer sur le toit du théâtre par une gamine de 17 ans. Et à un moment, la gamine, elle va lui dire « Qu'est-ce que tu aurais envie de me faire maintenant ?» Et lui, il va lui dire « Si je pouvais, je t'arracherais les yeux et puis je les collerais sur les miens pour voir le monde tel que je le voyais à ton âge. » Et dans votre roman, Nathalie Reims, c'est la jeune fille qui arrache les yeux de l'homme d'âge mûr pour voir le monde comme il le voit et avoir accès à la profondeur des personnages. Exactement comme dans ces anciens mythes où un prince était sacrifié à chaque printemps. Oh, Isabelle Sorrente chronique le livre de Nathalie Reims. Un petit mot, Nathalie Reims, ou Est-ce qu'elle a tapé dans le mille? Non, moi j'ai rien à dire. Non, franchement, je serais incapable de parler de mon livre comme ça. Merci. Hein. Merci. Mais vous avez reconnu. Vous l'avez reconnu. Je ne me suis pas totalement trompée quand même. C'est bien, oui, vous pour moi, c'est je bien. Pense que je suis en train de me demander justement si c'est pas vous qui l'avez écrit. Là. Une histoire à la Borges, on va faire. Non. Le silence de Nathalie Reims est éloquent. Je crois qu'elle a mieux compris que moi, en fait. Je crois que je viens seulement de comprendre des choses. Écoutez, vous pouvez réécouter la chronique d'Isabelle Sorrente en book sur franceinter.fr pour comprendre le livre que vous avez écrit. Achetez-le, même, il est formidable. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que je peux la poser du coup? Oui, après une chronique de 6 minutes, idéalement, on pose une question pour être sûr. Une question de 12 minutes. Allez-y, on est votre train. Allez-y, prenez votre temps. En fait, moi, c'est vrai on que est j'étais, aux 39 heures, j'étais bien partie. Oui, moi, je suis une esclave ici. Bon. Donc, j'étais bien partie. J'aurais lu. Non, ils me font rien, c'est horrible. J'avais une question super mythologique. Est-ce que c'est Charles Pasqua ou non? Voilà, en fait, non. J'aurais bien lu 200 pages de plus parce que pour moi, elle perpètre une sorte de sacrifice humain puisqu'elle va sacrifier ce premier amour à la création. Donc c'est ça qui pour moi elle est très légendaire. Tout le monde. Elle va sacrifier ses parents. Elle va sacrifier J'espère parce qu'en fait on a envie de lire la suite. Et moi j'étais partie sur 400 pages. Non, la question que je voulais poser c'est est-ce qu'il n'y a pas du coup une contrepartie parce qu'elle brûle les étapes quand même. Elle se tape une sacrée accélération. On va dire elle vole ses yeux. Elle a accès à des personnages beaucoup plus matures que son âge. Et on a envie de la retrouver à 20 ans, à 30 ans pour savoir un petit peu. Entre guillemets, comment elle le paye, non pas moralement, parce que je ne pense pas que ce soit une question de morale. On la retrouve dans Laisser les cendres s'envoler. On la retrouve dans un roman, parce que pour me donner de la force pour écrire Place Colette, j'avais dit la mère, le sexe. J'ai commencé par la mère. La mère s'en va et l'héroïne a à la frontière de la fin de Place Colette. C'est-à-dire qu'en fait, un mot très... c'est le préquel de Laisser les cendres s'envoler. Et en fait, on va voir comment tout ça se paye dans Laisser les cendres s'envoler. Bon, ben voilà, la réponse est là. On saura tout. On saura tout, et maintenant... Petit exercice de fin, Nathalie Reims, si vous acceptez. Donc c'est le sketch de fin, on intègre l'invité. Et aujourd'hui, c'est hommage à Wes Craven, grand réalisateur... Une idole pour moi. De Scream. Je vous donne un rôle, nous sommes à l'Élysée, c'est un hommage à Scream. Hollande a un peu peur chez lui. D'accord. Le téléphone sonne et vous serez une voix menaçante qui l'appelle. On y va. Oh non, j'ai peur. Oh non. Non, je suis seul dans cette grande maison. J'espère que c'est Manuel qui m'appelle. Allô? Allô? Oh non, c'est une voix de femme. Bonjour, madame. Bonjour, François, comment tu vas? Mais qui vous êtes, madame? Tu es dans ce petit peignoir Mickey que tu aimes tant. Mais comment est-ce ça? On a couché ensemble, madame? Oui, François. Aïe, aïe, ça fait encore pas mal de possibilités. Salaud. Pardon, j'ai été un bon coup. C'est arrivé. Ah, bon, ça commence à limiter. Je t'appelle pour te dire que si tu ne fais pas... Non, je raccroche, j'ai peur. Oh non. Non, peut-être que c'est encore pour m'annoncer une hausse de ma cote de popularité. Allô François. Oh non, je suis trop positif. Tu viens de me remballer, c'est la deuxième fois. Ah, ça limite encore les possibilités, mais pas assez. Je vais devoir réécrire un livre. Ah non, je crois que je commence à savoir qui François c'est. François. Oui. Oui. Oui, je ne vous entends plus, madame. Oui. Oui. Oui. Oui, qu'est-ce que je t'appelais voulez pour te dire. Tu veux de l'argent? Pas moi. Qui? Demande-moi ce que tu veux. François, si tu n'inverses pas la courbe du cheval... Oh non, pas ça, non. Si. Allez, bonsoir. Non, pas la courbe, non. Je dis bravo. On y était. Joue du Wes Craven vis-oreille. Scream. Avec Guillaume Meurice. Et cette imitation, je ne vous connaissais pas cette imitation de François. Ah bah là, non, contre Louis Flippin, hein, clairement. C'est aussi bien que moi dans Trier Veller, je dois dire. Ah, on va monter un petit numéro de cabaret. On n'est pas au point encore. Hein. Va falloir bosser. Je rappelle, et d'abord, vous êtes d'abord Nathalie Rhin. Si vous publiez Place Colette, c'est votre dernier roman aux éditions Léo Cher. Remarquablement chroniqué par Isabelle Sorand. Vous pouvez le réécouter sur franceinter.fr, comme cette émission. Merci les amis, merci Thomas VDB, merci. Cette formidable actualisique. Merci Guillaume Meurice, Isabelle Sorand, Alex Vizorek. On va se retrouver demain avec Samuel Le Bihan. Et nous allons lancer le mot de la fin en référence, avec beaucoup de respect, au programme du Parti Socialiste. Moi aussi j'ai un programme. Ça va être mon plan dans ta gueule, ton cul par terre et moi content. Ah